constituer cette intervention un avocat femelle ou l'influence d'une femme de qualité, Madame de Voyer d'Argenson, et de la carrière de son époux. Dans le cadre de la thématique qui nous est proposée aujourd'hui, nous pourrions évoquer l'épouse, la mère, l'hôtesse mondaine et cultivée que fut la marquise de Voyer d'Argenson. Nous nous concentrerons plutôt sur un autre aspect souligné par sa correspondance conjugale, son rôle dans l'avancement de la carrière militaire de son mari. Le marquis de Voyer d'Argenson, fils du célèbre ministre de la guerre de Louis XV, emploie d'ailleurs pour la désigner la formule d'avocat femelle qui a inspiré le titre de cette intervention. Nous définirons d'abord le rôle de la marquise de Voyer dans l'organisation minutieuse et concertée des démarches d'entreprise pour l'obtention des charges, pour nous appuyer ensuite sur un cas concret qui illustrera le degré d'expertise qu'elle a acquis dans le domaine des négociations. Le cas de la marquise de Voyer nous amènera enfin à considérer la place des femmes dans les sphères de pouvoir. Nous nous interrogerons sur les raisons de leur influence et réfléchirons sur le caractère sexué de leurs compétences. Mon premier point traitera donc des fonctions de la marquise de Voyer. Le terme de travail apparaît à plusieurs reprises dans sa correspondance, mais c'est exclusivement dans l'acception vieillie qu'en donne le littré à l'article 24 de cette entrée, désignant la séance de travail des ministres. Si elle n'utilise pas le substantif à d'autres fins, elle emploie largement la forme verbale qui en est dérivée pour parler du processus qui nécessite temps, organisation et effort, notamment lorsqu'elle fait référence aux démarches menées dans une conduite de projet. Ni le sérieux, ni la pénibilité relative à l'idée de travail n'en sont exclus. En effet, loin de l'oisiveté aristocratique souvent évoquée pour cette période, la marquise de Voyer se dévoue corps et âme aux affaires de son mari, et souligne régulièrement la fatigue qui l'accable dans les moments d'intense tractation. Elle écrit « Je n'en peux plus, j'ai travaillé comme un forçat ». Ce surmenage lui fait même perdre le sommeil. À force de calcul de toute la nuit, je ne sais si je fais bien, mais je crois faire pour le mieux. En effet, son activité implique l'organisation, l'entre-gens et l'éloquence d'un chargé de communication qui représente famille et époux en leur absence. Elle nécessite également une résistance à des horaires amples, au stress et à bien d'autres facultés qui seront portées à votre attention. Ces négociations sont précédées d'une longue préparation en amont dans laquelle la marquise de Voyer joue le rôle à la fois d'une attachée de direction et d'un agent de renseignement. Madame de Voyer déleste quotidiennement son mari d'affaires mineures. Elle se charge de nombreux courriers, rappelle les compliments à adresser, synthétise et trie les demandes. Certaines lui sont directement adressées pour des raisons de stratégie ou de bienséance, notamment lorsque les personnes ne sont pas suffisamment proches de son mari. La lettre que lui écrit la belle-mère du marquis de Sade, Madame de Montreuil, illustre parfaitement ce cas de figure. L'épisode dont il est question se situe dans la vie du marquis de Sade entre l'affaire Rose Keller de 1768 et celle des prostituées de Marseille en 72. Elle s'adresse à Madame de Voyer en 70 afin que son mari, alors en charge de l'inspection du régiment de Sade, lui accorde indulgence et protection. Elle requiert alors son suffrage précieux, ce sont ses termes, et s'adresse en premier lieu au cœur de mère de Madame de Voyer, qu'elle compte attendrir en lui écrivant « Vous êtes mère, madame, et c'est à ce titre que j'espère le pardon de mon importunité. » Madame de Montreuil respecte donc la hiérarchie établie dans le protocole et la politesse, dans ce que la marquise de Voyer appelle la cascade des requêtes. Madame de Voyer intercède auprès de son époux et Sade sera rétabli dans ses fonctions, sans que l'on sache exactement quelle part les Voyers auront pris dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, le rôle de médiatrice tenu par la marquise de Voyer dans cet exemple n'est pas isolé. En effet, elle favorise régulièrement les gens de son entourage. En 72, elle réclame par exemple le soutien de son mari auprès de son cousin, le marquis de Pomy, pour faire succéder son professeur de chimie et d'anatomie à la place de la condamine à l'Académie des sciences. Mais ce rôle prend toute son envergure lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts de son époux auprès de personnes importantes dans des occasions cruciales pour sa carrière militaire. Elle déploie alors toutes ses capacités, à l'instar de grandes dames, telles que Madame de Tencin, qui contribua à lancer la carrière de son frère, le cardinal. La correspondance souligne alors son rôle d'agent de renseignement dans la prospection et la veille informative qui prélude à son action directe. Pour son mari, elle est à la fois, selon son expression, les yeux et les oreilles de Paris. Ses activités peuvent en effet s'apparenter à celles d'un agent de renseignement. Son rôle dans l'acheminement efficace et rapide d'une information fiable et récente fait d'elle un réel atout pour le marquis de Voyer. Introduite dans la haute société parisienne, elle sait croiser ses sources, scrute les événements et leur retentissement dans la capitale. mais elle choisit ou non de prêter attention à la rumeur de Paris, relayée jusque dans la sphère domestique lorsqu'elle écrit « Mes gens m'ont dit ». Cela donne lieu dans ses lettres à des communiqués synthétiques, qu'elle nomme elle-même « bulletins », qui se rapprochent des nouvelles à la main. Ces manuscrits comportent d'ailleurs quelques abréviations qui font dans le sens d'une écriture rapide, presque sténographiée, comme « pot » et « vaux » surmontés d'un trait à la place de « pour » et « vous », associés aux habituelles tournées SVP et soulignements de passage. Orientée selon les goûts et besoins de son mari, ses synopsis s'attardent particulièrement sur les affaires de l'État, l'opinion publique et les tractations que mène Voyer. Ils sont complétés par un arsenal de sources indirectes, journaux, articles de presse, lettres de tierces personnes insérées dans les siennes et copies qui forment un échange épistolaire à tiroir. Elle travaille par ailleurs en collaboration avec des amis et connaissances de Voyer qui leur apportent leur soutien, mais aussi avec des commissionnaires et avec des ambassadeurs pour les affaires délicates qui nécessitent le secret absolu. Ce sont ces termes. Elle écrit « D'ici à dimanche, mon commissionnaire reste à Versailles. Si le N, qui représente M. de Narbonne, a paru, s'il a parlé et indiqué la même chose qu'il vous a dite, que vous avez facilité, le commissionnaire le saura de manière ou d'autre. Enfin, il lui arrive de négocier en personne pour influencer les événements et favoriser son époux. » Cela fera l'objet du deuxième point de cet exposé, intitulé selon l'expression employée par l'épistolière, « S'adresser à Dieu plutôt qu'à ses saints ». De son propre aveu, le marquis de Voyer est maladroit à défendre ses intérêts. C'est pourquoi il préfère les remettre entre les mains de sa femme, l'avocat, qui a toute procuration sur ses affaires. Comme il l'écrit, « Je remets mes intérêts à votre prudence et sagacité ». Cette fonction amène Madame de Voyer à rencontrer des personnages d'influence et à transcrire minutieusement les différents entretiens que lui accordent les ministres successifs. Saint-Florentin, Choiseul, Monténard, Saint-Germain. Si ces comptes rendus épistolaires montrent la difficulté d'obtenir des entrevues avec les hautes autorités, ils soulignent néanmoins la persévérance de la solliciteuse. En effet, Madame de Voyer se montre opiniâtre à se faire entendre, comme l'illustrent par exemple les lettres qu'elle adresse au duc de Choiseul en 67, alors que ce dernier cumule le ministère de la guerre, celui des affaires étrangères, et qu'il vient de laisser celui de la marine. Elle finit par obtenir une entrevue et livre le compte-rendu à son époux, précisant avoir employé le ton juste qu'il fallait, grâce auquel elle amène le grand homme à promettre de leur verser les subsides qu'elle demande. Elle procède de la même façon avec le ministre qui lui succède, le marquis de Monténard, en place de 71 à 74, lorsque le marquis de Voyer convoite un poste à La Rochelle. Cet épisode illustre parfaitement les compétences de Madame de Voyer en matière de négociation suivie, puisqu'elle débute en 72 pour finir en 75. La marquise de Voyer sollicite d'abord une entrevue avec le ministre, qui feint d'ignorer sa demande, et elle écrit. J'ai réécrit aujourd'hui à Monsieur le Marquis pour lui faire entendre qu'il aurait beau faire, mais que je différerais mon départ jusqu'après l'avoir vu, ainsi qu'il me donna un moment à Paris ou Versailles s'il voulait se défaire de moi. Si ce ne sont ses paroles expresses, c'en est le sens. On me conseille de lui parler doucement, sans plaisanterie ni humour. Je le ferai. Je n'insisterai que sur toutes les raisons que vous aviez pour rendre vos propositions très honnêtes et d'après les promesses et assurances réitérées qu'il nous a faites sur la certitude que nous devons avoir de leur réalité, si les tracasseries ou autre chose rendaient cette place encore plus vacante, soit d'une personne ou d'une autre. Le ministre ne donnant pas suite à ses requêtes épistolaires, Madame de Voyer revient à la charge avec la ténacité qui la caractérise. Elle le force à le recevoir par un coup d'éclat. Comme je l'ai relancé presque au milieu de la nuit et que j'ai été ce matin à 9h moi-même à sa porte, j'en ai tiré la réponse ci-jointe, à laquelle je vais répliquer que l'essentiel est qu'il ait la bonté de se souvenir et de croire que votre demande n'a été et ne sera jamais que la place vacante de La Rochelle. Une fois ferrée, elle conduit magistralement ses entretiens et sait amener ses interlocuteurs à soutenir ses démarches. Sa conversation avec le ministre est un succès et le marquis la félicite de son intervention. Il lui dit « Il faut que vous ayez l'éloquence de Bossuet, la logique de Port-Royal et l'insinuation persuasive du cardinal de Retz pour, dans une seule conversation, avoir décidé notre ministre et avoir avancé la négociation au point que vous l'avez fait. Quoi qu'il arrive, vous avez fait merveille et j'en suis pénétrée de reconnaissance et de sensibilité. » Cependant, les incertitudes succèdent à cette joie de courte durée. Le couple va sans cesse réévaluer ses plans et plaider auprès de nombreux interlocuteurs durant 2 ans, obligeant la marquise de Voyer à déployer tout ce qu'elle possède d'ingéniosité. Dans cette affaire, comme dans d'autres, les manigances dévoyées n'apparaissent pas clairement, car leurs calculs sont toujours entourés du plus grand secret dans les lettres. Mais les lettres de Voyer font comprendre qu'il a contribué à jeter le discrédit sur Monsieur de Narbonne afin de le faire suspendre et de libérer son poste à La Rochelle. En effet, Narbonne est accusé par des lettres de délation, des preuves à l'appui, qui sont envoyées à sa hiérarchie. Or, Voyer était au courant de ces lettres, car il évoque à mots cachés ce qu'il appelle un pétard attaché, une bombe éclatée, dont il se tient à distance en attendant que l'affaire soit rendue publique. Ce n'est qu'après qu'il dévoile ses intentions militaires au ministre, afin que celui-ci ne soupçonne pas son implication dans cette affaire, qui est un petit peu calomnieuse. Au nombre des rebondissements de cette affaire, Voyer soupçonne entre autres le chevalier de Montazé de le concurrencer sur ce poste, par exemple. Et le couple aurait alors cherché à percer les intentions de cet ami de Monsieur de Narbonne afin de l'évincer. Une longue lettre de Madame de Voyer, datée de janvier 73, montre de quelle façon elle extorque les informations à ce chevalier de Montazé. Concernant Monsieur de Narbonne, évoqué dans le dialogue suivant sous le nom de Monsieur de N, comme tout à l'heure, ainsi que sur Sénac de Meillan, l'auteur donc de l'émigré, son subalterne, intendant à La Rochelle et collaborateur secret des Voyers. Donc je vais vous lire un passage dialogué qui est un petit peu plus long que les autres, mais qui est intéressant dans la manière dont Madame de Voyer conduit ses affaires. Je commence par vous dire, cher enfant, que mon avis est que le résultat de la conclusion de ce que je vais vous dire me paraît devoir être rien pour nous et chose comme non avenue pour Monsieur de N. Je n'ai de nouvelles de qui que ce soit. Mon commissionnaire, qui est revenu de Versailles aujourd'hui bredouille, m'a fait dire qu'il n'avait rien appris non plus de nouveau pour nous. Mais voici ce que je sais des projets. Le chevalier de Montazé vint me voir l'autre jour, nous étions seuls, je ne pus me refuser à ce qu'on appelle tirer les vers du nez. Figurez-vous bien l'air très simple de ma part, très gobe-mouche et très ignorante, qui ne me permettait pas plus j'étais intéressée, à marquer même d'intérêt pour une des personnes dont il me dit du mal. Il me parut bien réellement n'avoir nul soupçon de mon motif. À propos, monsieur le chevalier, j'ai entendu dire qu'il y avait un de vos amis qui avait des tracasseries, je ne sais quoi. Monsieur de N, oui, vraiment, madame, on veut lui en faire de majeur, mais il est bien tranquille quand on verra le vrai. Ah, cela peut être, je le crois. Je ne sais pas le fond de la question, j'ai seulement entendu dire, en courant, monsieur de N, des tracasseries. Et comme il a bonne réputation, mais passe pour un homme dur et le fléau des intendants, on rabâche sur cela. Le fond de la question, madame, est que l'on rappelle d'anciens prétendus griefs qui n'ont jamais existé, et que c'est depuis cet été que l'on trame cette iniquité qui ne va pas moins qu'à être l'affaire de monsieur de Lally. Puisqu'on l'accuse de concussion et d'abus d'autorité, et qu'on a voulu prouver par une lettre que l'on a fait écrire à monsieur de Lavrière, laquelle est diffamante et déshonorante. Ah, mon Dieu, cela est singulier! Mais effectivement, cela va donc faire un procès. Oui, et monsieur l'intendant a bien poussé les choses. Bon, ah, je ne l'aurais jamais cru, car il m'a semblé que celui-ci a bien vécu avec lui. Et que d'ailleurs, c'est l'intendant qui soutient le moins les droits de l'intendance. Est-ce contre lui qu'est le procès? Non, il n'est au nom de personne. Ce sont des écrits très faux et très informes, et des propos qui ont surpris et entraîné les bureaux de monsieur de Lavrière plus que sa personne. Ah, ah. Mais comme vous disiez tout à l'heure, heureusement pour monsieur de N. Cela j'y en preuve, et si les siennes en défense sont en bonne forme, son affaire sera bonne. Très bonne, madame, très bonne. Eh bien, cela est bon. Mais est-ce qu'il ne vient pas ici plaider sa cause? Il y est. Ah, il y est. Eh bien, est-ce que monsieur de Monthénard n'est pas le ministre des Militaires? Que dit-il? Il est arrivé depuis 2 jours. Il y en avait 8. Le chevalier de Montazé reprend donc. Aussi, il retournera. Et il n'est pas possible que cette lettre injurieuse et contre toute règle soit révoquée, car elle est partie que de bureau et n'est la suite que d'accusations très informes et anonymes. Cela étant, il ne faut donc en soupçonner personne positivement, monsieur le chevalier. Ah, je ne dis pas non plus. Vous en avez entendu parler parce que tous ses parents se démènent et sont furieux. Or, ses parents, à l'égard de cela, ne sont capables de rien, et le chevalier se sous-entend apparemment ayant couché avec l'une des belles-sœurs. Dans ce long passage, que l'on peut trouver dialogué, qui ne reflète pas nécessairement la réalité historique de l'entretien, mais qui donne quand même quelques informations sur la façon de procéder et de tenir une conversation, et surtout d'amener l'autre à à donner des renseignements voulus. Madame de Voyer récolte donc les informations sur l'avancée des affaires de Monsieur de Narbonne, leur adversaire, sur la date de son arrivée à Paris et sur la façon dont il est perçu à La Rochelle par ses collègues. Elle tâche de savoir si la participation de leur ami Sénac a été percée à jour par la partie adverse, et sa fausse naïveté lui permet de connaître les dernières prises de position des ministres Lavrière et Monténard. Enfin, elle n'oublie pas de noter qu'elle est mieux informée que son interlocuteur, qui se laisse aller à des confessions intimes dont elle souligne l'incongruité. Mais en 1974, après 2 ans d'âpres négociations, l'affaire ne connaît toujours pas d'issue. Monténard quitte son ministère cette année-là, et pour les Voyer, c'est la fin de leur influence, puisque selon l'expression consacrée, il est mort, c'est-à-dire que leurs espoirs finissent avec l'exercice des fonctions du ministre. Le ministre qui se retire emporte avec lui les soutiens auxquels les Voyer avaient si durement travaillé pendant les dernières années. Le marquis semble reprendre le cours habituel de ses inspections, du moins dans la correspondance conjugale. Mais les mémoires composées par son petit-fils au siècle suivant révèlent qu'il acquiert en 75, donc l'année suivante, l'année qui suit le retrait de Monténard des affaires, il obtient en 75 le commandement du Poitou, de la Saintonge et de l'Aunis, par suite d'un arrangement avec le baron de Montmorency, dit le petit-fils, et ajoute qu'il fut en même temps chargé de l'inspection des côtes de l'océan et de la surveillance des travaux qui se faisaient pour leur défense. Voilà donc comment la prospection, réflexion et calcul, voire même espionnage et discréditation, caractérisent le suivi des projets d'avancement, évoquant un machiavélisme au sens politique du terme, que la littérature transpose en une perfidie développée dans les romans de cette époque. Donc on peut penser à Pamela de Richardson, par exemple, ou bien sûr aux Liaisons dangereuses. En effet, l'enseignement de Machiavel, qui est fondé sur l'art de gérer la cité, mais aussi sur celui d'apprendre à se maintenir au pouvoir, dans une situation ouverte à tous les retournements, les Voyer composent avec 2 notions machiavéliennes, la fortuna, qui est la part d'imprévisible, en lutte avec la virtu, qui, dans le système de Machiavel, est la capacité à s'adapter aux circonstances et à imposer sa volonté à la fortuna, justement. Les Voyer ayant eu connaissance, évidemment, des traités de Machiavel. La façon épistolaire de Madame de Voyer rend compte de ses capacités conversationnelles et de la ruse dont elle fait preuve et souligne l'usage qu'elle fait d'une féminité qui déjoue les méfiances et sert ses intérêts. Car de la part d'une femme, comme elle l'écrit, tout peut se dire sans avoir l'air d'être chargé d'aucune commission. Le début de la conversation qu'elle a avec le chevalier de Montazé illustre cette posture de fausse ingénue qui se donne l'air très simple, très gomme-mouche, très ignorante, comme elle dit. Aussi peut-on se demander si le sexe de cet avocat femelle présente un avantage dans ce type de circonstances et s'il fait d'elle un meilleur agent. Ce qui m'amène au troisième et dernier point que je développe aujourd'hui, la répartition genrée des tâches ou l'expression d'une certaine égalité. Donc à ce stade de mon intervention, je m'interroge sur le caractère spécifiquement féminin des facultés déployées par Madame de Voyer. Certaines de ces qualités sont traditionnellement octroyées aux femmes qui excelleraient. Ces lettres comportent par exemple des observations psychologiques et comportementales qui confèrent aux avis qu'elles prononcent un poids supplémentaire, celui de l'intuition féminine. Une lettre de juillet 77 offre une succession de fines annotations sur le comte de Saint-Germain, décryptant ses attitudes corporelles, le ton qu'il prend, le moindre élément étant disséqué dans le but de percer à jour les intentions du ministre. Ainsi considère-t-elle que Saint-Germain est franc, tandis que Choiseul, lui, est décrit comme pas trop honnête. Or, lorsqu'elle évoque cette faculté d'appréciation, l'épistolière la décrit comme fruit de l'expérience, tenant davantage du discernement que de l'intuition féminine. Au sujet d'un de ses amis, elle écrit « Il ne paraît à son extérieur que content de la santé et de la gloire de ses fils. Mais je ne serais pas étonnée à quelque habitude que j'ai de reconnaître les contractions de l'air naturel, que quelque chose en lui ne souffrit vivement, ambition ou fortune peut-être. » Ce discernement s'exprime également lorsqu'elle distingue les personnes dont il faut s'entourer ou se détourner, dans le but d'être associée au bon cercle. Elle met ainsi Voyer en garde contre la fréquentation compromettante du duc de Chartres et consorts, associée à un contre-pouvoir nuisible à la poursuite de leurs objectifs institutionnels. Dussiez-vous le trouver mauvais, je ne puis m'empêcher de vous dire que je crois que vous feriez bien, pendant ce voyage, d'éloigner certaines compagnies qui ne manquera pas de faire autant d'effets dans les dits que ceux d'avoir reçu avec elle Monsieur le duc de Chartres. Cette capacité à évaluer rapidement personnages et circonstances et à s'y adapter se lit encore lorsqu'elle indique à son mari la conduite à tenir vis-à-vis du comte d'Artois, qui pourrait faire étape dans son château de province alors qu'il rejoint des troupes sur le front ibérique. Ses facultés, donc, comme toutes celles qui s'expriment dans ses actions, calcul, opiniâtreté, fermeté, efficacité, ne sont pas des qualités spécifiquement féminines. Cependant, discernement, adaptation et conversation dépendent du seul domaine où les femmes ont pu porter leurs qualités à un degré d'excellence, la représentation publique et plus particulièrement l'exercice de la sociabilité. Dans son livre « La diplomatie de l'esprit », Marc Fumaroli a noté ce que l'esprit français devait au salon féminin du XVIIe siècle, soulignant le rôle que la politesse devait prendre dans la définition de l'honnêteté. Les hôtesses de qualité savaient en effet imprimer à la bonne compagnie qui se réunissait chez elles un ton et des mœurs inspirées de l'étiquette de cour et de l'idéal d'un honnête homme. Roger Marshall, dans son étude sur Madame de Lambert et son milieu, précise encore que cette honnêteté du grand siècle, codifiée dans de nombreux traités de civilité maintes fois réédités au XVIIIe, se transforme en sociabilité dans les années 30. Cette expression, démocratisée de l'honnêteté, est pratiquée par les femmes du monde, les salonnières réputées, qui maîtrisaient l'art de la représentation fondée sur les valeurs aristocratiques. Il apparaît donc que l'exercice de la sociabilité, associé à celui d'un ordre moral, les amène à devenir de fines négociatrices dans des affaires de toutes sortes, à l'instar de Madame de Lambert, habituée à plaider ses procès. Madame de Voyer hérite donc de ce modèle d'honnêteté féminine, et le portrait de femme de probité que Madame de Genlis lui consacre dans ses mémoires souligne la maîtrise en société de cette hôtesse de qualité. Le salon n'est autre que le ministère des femmes. Elle s'y impose par le verbe et les nuances qui l'accompagnent. Une arme pacifique et diplomatique qui leur confère un pouvoir sur lequel elles construisent la considération qu'elles inspirent et qui les inscrit dans l'histoire. C'est pourquoi le marquis dit avoir remis ma procuration et mes intérêts entre les mains d'un avocat femelle qui a des grâces, de l'insinuation et de l'esprit. Dans le cas de la marquise de Voyer, ce pouvoir est mis au service de son clan, dans une perspective d'ascension sociale. Au même titre que le pater familias, cette mère de famille travaille à l'édification, au maintien et à la consolidation du patrimoine. Aussi peut-on considérer l'existence d'une certaine égalité entre hommes et femmes à l'égard des politiques familiales. Et même si l'opinion prête aux femmes d'influence un caractère androgyne, cette androgynie s'efface parfois, comme dans le cas suivant, devant le respect que suscite la femme de probité, ce qu'évoque Nicole Pellegrin dans son article « L'androgyne au XVIe siècle » pour une relecture des savoirs, dont je me suis inspirée. En effet, en héritière de Madame de Lambert, la marquise de Voyer reste fidèle aux valeurs de mérite et d'élévation qui soutiennent aussi bien les actions féminines que masculines. Elle se fait une autre opinion de son devoir qu'elle exprime ainsi à son mari. « Vous pouvez disposer, user de moi. Ce fut, c'est et ce sera toute ma vie, mon désir et ma volonté, ma manière de penser et de sentir. En fait, ma profession de foi. » Cette expression forte interpelle par l'engagement profond et indéfectible qu'elle insinue et résonne comme un serment d'allégeance chevaleresque. Une de ses lettres, datée de 62, montre encore le point d'honneur qu'elle met à jouer un rôle dans les affaires de son mari, lui rapportant l'observation suivante, faite à un tiers. « Je me suis contentée de lui répondre à mon tour que lorsqu'il était possible que je fusse le tiers qui pouvait intervenir dans les choses qui vous intéressaient, il n'en était pas besoin d'autre. Effectivement, je crois que vous me devez la préférence. » Cette réclamation de la préférence exclusive implique une liberté d'action quasi totale qui explique en partie les motifs de son implication. Madame de Voyer aspire à gagner le respect de son époux et de ses contemporains, mais elle désire surtout s'accomplir à travers des responsabilités qui lui donnent l'occasion d'exprimer ses qualités. Le rôle qu'elle veut remplir correspond à la représentation sociale et morale qu'elle se fait de ses devoirs et répond au modèle de l'honnête femme ainsi qu'à son code d'honneur. La privation de cette liberté d'action lui ôterait sa dignité et serait perçue comme un affront, mais obturerait du même coup ses espérances de futur possible. Le mariage n'est plus uniquement le résultat d'une union arrangée, mais le moyen pour elle d'un épanouissement personnel qui passe par le libre exercice de l'influence. En conclusion, je dirais que sur le plan des affaires, comme sur d'autres, la correspondance conjugale de Madame de Voyer avec son époux offre l'image d'un couple uni, est celle d'une femme active qui fascine par ses aptitudes et l'énergie qu'elle déploie. Elle rappelle le rôle des femmes dans les stratégies d'ascension sociale. Les qualités de Madame de Voyer sont liées à sa pratique soutenue de la sociabilité et aux valeurs d'une aristocratie militaire. Mais elle s'arrime surtout à un caractère et à une intelligence qui lui sont propres et qu'elle a su développer dans les meilleurs cercles de son temps, ceux des Conti, Boufflers, Geoffrin, Choiseul et Orléans. Sa pratique de l'écriture est tributaire de cette expression de société. Et il ne fait aucun doute que les traces d'oralité qu'elle présente reflètent les facultés conversationnelles qui lui servent à négocier. Elle est animée par une dynamique du mérite personnel que l'on retrouve dans l'idéal aristocratique et chez les moralistes. La Bruyère la présente comme la noblesse même. L'entravée reviendrait à bâillonner sa volonté d'être au monde et d'y laisser la trace d'une femme de qualité. Cela soulève évidemment la question de l'ambition féminine et de ses limites, développée par Elisabeth Badinter dans son ouvrage sur Madame du Châtelet et d'Épinay. Mais cela ferait l'objet d'une autre intervention. Le cas de l'épistolière fournit donc l'exemple d'une femme qui a investi avec intelligence et détermination tout l'espace qui était à sa portée pour se réaliser, repoussant même les limites de ce territoire, imposant ses conditions, préservant son libre arbitre. À sa manière, elle incarne l'affirmation des femmes à exister en tant qu'individus et illustre l'influence sociale et politique qu'elles eurent sous l'Ancien Régime. Je vous remercie.